jour à l'angle des cardinaux fut installée une cabine téléphonique entourée d'eau, cage de verre cristalline. Une autre époque, un autre temps. Cabine des champs, cabine des villes, toi dans l'aquarium comme un géant. Un prisonnier du fil, la cabine n'était pas peu fière d'accueillir tous ces gens. Sa mission, son service insulaire dure un peu plus de 30 ans. À mesure que les pièces tombaient, nouvelles joyeuses ou pathétiques, gorgées de sel, les mots s'envolaient, des confidences, instants magiques. Et si on allait appeler Sarah dans la petite cabine, on refait le monde à trois. Et si on allait appeler Sarah dans les roses premières, le temps s'arrête sous bien. Papaya, papaya, papaya, ya papaya, papaya, faya, faya, faya, faya. Présent là ton nuit, tes jours, qu'une âme pousse ses portes battantes, décroché par le sang des tours, des paroles douces, des paroles tendres. Mais le progrès et la technique, aujourd'hui on dit qu'elle est vieille. Dans les embruns océaniques, ville et déserte, elle veille, elle veille, elle veille. Et si on allait appeler Sarah dans la petite cabine, on refait le monde à trois. Mons émerveille en dérangement pour toujours. Derrière ces vitres poussiéreuses, des fleurs illuminent sa verrière. Ces herbes folles la rendent heureuse, la petite cabine devenue sel, la petite cabine devenue cabane pour nos combines canadiques. Toujours un œil en barbacane, braconne l'arrivée des brigadiers. Avant de reprendre qu'un boutique, tout l'île est bien embrigadé. Garde les garriguelles, on couche les bigoudaines. Ta mère va te passer du sang, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Le retour de Bacchanal, un vent de col bleu boucané. Et un bar de bretonique carbonisé au cavernet. Qui batte la breloque, on tient une bien carabinée. Un bagage buccal, on barre les étoiles. Dans la bibine, un mec à cubine, un mec qui peut s'y vendre fou. Si le temps se bilonnait, faut bien un bon steak. Ce soir c'est carnaval, chez les cannibales. La bedaine comme une bombe, un mec du pedro, clair de lune. Sous la sacolique, dans un petit coin bucolique. Expérience gastro-botanique, d'où l'expression endémique. Vaché dans les crémières, au fond du cimetière.